Livre 10, deuxième partie du Paradis perdu de John Milton. Traduit par François-René, vicomte de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Thomas Copeland. Livre 10, deuxième partie. Cependant, le couple infernal arriva trop tôt dans le paradis. Le péché y avait été d'abord potentiel. Ensuite actuel, maintenant il y entrait corporel, pour y demeurer continuel habitant. Derrière lui, la mort le suivait de près, pas à pas. Non encore monté sur son cheval pâle, le péché lui dit, « Second rejeton de Satan, mort, qui doit tout conquérir, que penses-tu de notre empire nouveau ? Quoique nous l'ayons gagné par un travail difficile, ne vaut-il pas beaucoup mieux être ici que de veiller encore assis au seuil du noir enfer, sans nom, sans être redouté, et toi-même demi-morte de faim ? » Le monstre, né du péché, lui répondit aussitôt, « Quant à moi, qui languis d'une éternelle faim, enfer, terre ou ciel, tout m'est égal. Je suis le mieux là où je trouve le plus de proie, laquelle, quoique abondante ici, semble en tout petite pour bourrer cet estomac, ce vaste corps que ne resserre point la peau. » La mère incestueuse répliqua, nourris-toi donc d'abord de ces herbes, de ces fruits, de ces fleurs, ensuite de chaque bête et poisson et oiseau, ou j'ai friande. Dévore sans les épargner toutes les choses que la faux du temps moissonne, jusqu'au jour où, après avoir résidé dans l'homme et dans sa race, après avoir infecté ses pensées, ses regards, ses paroles, ses actions, je l'ai assaisonné pour ta dernière et ta plus douce proie. » Cela dit, les monstres prirent l'un et l'autre des routes différentes, l'un et l'autre afin de détruire ou de désimmortaliser les créatures, de les mûrir pour la destruction plus tôt ou plus tard. Ce que le Tout-Puissant, voyant du haut de son trône sublime au milieu des saints, à ses ordres brillants, il fit entendre ainsi sa voix. Voyez avec quelle ardeur ces dos de l'enfer s'avancent pour désoler et ravager ce monde que j'avais créé si bon et si beau, et que j'aurais encore maintenu tel si la folie de l'homme n'eût laissé entrer ces furies dévastatrices qui m'imputent cette folie. Ainsi font le prince de l'enfer et ses adhérents, parce que je souffre avec tant de facilité qu'ils prennent et possèdent une demeure aussi céleste, que je semble conniver à la satisfaction de mes insolents ennemis qui rient comme si, transportés d'un accès de colère, je leur avais tout abandonné, je vais tout livrer à l'aventure, à leur désordre. Ils ignorent que j'ai appelé et attiré ici eux, mes chiens infernaux, pour lécher la saleté et l'immondice, dont le péché souillant de l'homme a répandu la tâche sur ce qui était pur, jusqu'à ce que rassasiés, gorgés, prêts à crever de la desserte sucée, et avalé par eux, d'un seul coup de fronde de ton bras vainqueur, ô Fils bien-aimé, le péché, la mort et le tombeau béant soient enfin précipités à travers le chaos, la bouche de l'enfer étant à jamais fermée, et scellée ses mâchoires voraces. Alors, la terre et le ciel renouvelés seront purifiés, pour sanctifier ce qui ne recevra plus de tâche. Jusqu'à ce moment, la malédiction prononcée contre les deux coupables précédera. Il finit, et le céleste auditoire entonna des alléluia semblables au bruit des mers. La multitude chanta : Justes sont tes voies, équitables tes décrets sur toutes tes œuvres. Qui pourrait t'affaiblir ? Ensuite, ils chantèrent le Fils, destiné rédempteur de l'humaine race, par qui un nouveau ciel, une nouvelle terre s'élèveront dans les âges ou descendront du ciel. Tel fut leur chant. Cependant, le Créateur, appelant par le nom ses anges puissants, les chargea de diverses commissions qui convenaient le mieux à l'état présent des choses. Le soleil reçut le premier l'ordre de se mouvoir de sorte de briller de manière à affecter la terre d'un froid et d'une chaleur à peine supportables, d'appeler du nord l'hiver décrépit et d'amener du midi l'ardeur du solstice d'été. Les anges prescrivirent à la blanche lune ses fonctions et aux cinq autres planètes leurs mouvements et leurs aspects en sextile, quadratrine et opposite d'une efficacité nuisible. Ils leur enseignèrent quand elles devaient se réunir dans une conjonction défavorable et ils enseignèrent aux étoiles fixes comment verser leur influence maligne. Quelle serait celle d'entre elles qui, se levant ou se couchant avec le soleil, deviendrait orageuse? Aux vents, ils assignèrent leur quartier, et quand, avec fracas, ils devaient troubler la mer, l'air et le rivage. Au tonnerre, ils apprirent à rouler avec terreur dans les salles ténébreuses de l'air. Les uns disent que le Tout-Puissant commanda à ses anges d'incliner l'épaule de la terre 2 fois 10 degrés et plus sur l'axe du soleil. Avec effort, ils poussèrent obliquement ce globe central. Les autres prétendent qu'il fut ordonné au soleil de tourner ses rênes dans une largeur également distante de la ligne équinoxiale entre le taureau et les 7 sœurs atlantiques et les jumeaux de Sparte, en s'élevant au tropique du Cancer. De là, en descendant au Capricorne par le Lion, la Vierge et la Balance, afin d'apporter à chaque climat la vicissitude des saisons. Sans cela, le printemps perpétuel, avec de vernales fleurs, aurait souri à la terre, égale en jour et en nuit, excepté pour les habitants au-delà des cercles polaires. Pour ceci, le jour brillait sans nuit, tandis que le soleil abaissé, en compensation de sa distance, eût tourné à leur vue autour de l'horizon, et ils n'auraient connu ni Orient ni Occident, ce qui au nord eût écarté la neige de l'Ostotilan glacé et au sud des terres magellaniques. À l'heure où le fruit fut goûté, le soleil, comme du banquet de Thieste, détourna sa route proposée. Autrement, comment le monde habité, quoique sans péché, aurait-il pu éviter, plus qu'aujourd'hui, le froid cuisant et la chaleur ardente? Ces changements dans les cieux, bien que lents, en produisirent de pareils dans la mer et sur la terre, tempêtes sidérales, vapeurs et brouillards, et exhalaisons brûlantes, corrompues, et pestilentiel. Maintenant, du septentrion de Norambeka et des rivages de Samoyède, forçant leur prison d'airain, armés de glace et de neige et de grêle et d'orageuses rafales et de tourbillons, Borée et Cochas et le bruyant Argeste et Thracias déchirent les bois et les mers bouleversées. Elles le sont encore par les souffles contraires du midi, de Notus et d'Affaire, noircies des nuées tonnantes de Sierra Leona. Au travers de ceux-ci, avec non moins de furie, se précipitent les vents du levant et du couchant, Urus et Zéphyr, et leurs collatéraux brillants, Siroc et Libecchio. Ainsi la violence commença dans les choses sans vie. Mais la discorde, première fille du péché, introduisit la mort parmi les choses irrationnelles au moyen de la furieuse antipathie. La bête alors fit la guerre à la bête, l'oiseau à l'oiseau, le poisson au poisson. Cessant de paître l'herbe, tous les animaux vivants se dévorèrent les uns les autres, et n'eurent plus de l'homme une crainte mêlée de respect, mais ils le fuirent, ou, dans une contenance farouche, ils le regardèrent quand il passait. Telles étaient au dehors les croissantes misères qu'Adam entrevit déjà en partie. Bien que caché dans l'ombre la plus ténébreuse, et au chagrin abandonné. Mais en dedans de lui, il sentit un plus grand mal. Ballotté dans une orageuse mer de passion, il cherche à soulager son cœur par ses tristes plaintes. Oh, quelle misère après quelle félicité! Est-ce donc la fin de ce monde glorieux et nouveau? Et moi, si récemment la gloire de cette gloire, suis-je devenu à présent maudit de béni que j'étais? Cachez-moi de la face de Dieu, dont la vue était alors le comble du bonheur. Encore, si c'était là que devait s'arrêter l'infortune, je l'ai mérité et je supporterai mes propres démérites, mais ceci ne servirait à rien. Tout ce que je mange, bois, tout ce que j'engendrerai est une malédiction propagée. Ô parole ouïe jadis avec délice, croissez et multipliez, aujourd'hui mortels à entendre. Car que puis-je faire croître et multiplier si ce n'est des malédictions sur ma tête? Qui, dans les âges à venir, sentant les maux par moi répandus sur lui, ne maudira pas ma tête? Périsse notre impur ancêtre, ainsi nous te remercions, Adam. Et ces remerciements seront une exécration. Ainsi, outre la malédiction qui habite en moi, toutes celles venues de moi me reviendront par un violent reflux. Elles se réuniront en moi comme dans leur centre naturel. Et avec quelle pesanteur, quoique à leur place. Ô joie fugitive du paradis, chèrement achetée par des malheurs durables. T'avais-je requis dans mon argile au Créateur de me mouler en homme? T'ai-je sollicité de me tirer des ténèbres ou de me placer ici dans ce délicieux jardin? Comme ma volonté n'a pas concouru à mon être, il serait juste et équitable de me réduire à ma poussière. Moi, désireux de me résigner, de rendre ce que j'ai reçu, incapable que je suis d'accomplir tes conditions, trop dures, desquelles je devais tenir un bien que je n'avais pas cherché. À la perte de ce bien, peine suffisante, pourquoi as-tu ajouté le sentiment d'un malheur sans fin? Inexplicable paraît ta justice, mais pour dire la vérité, trop tard je conteste ainsi, car j'aurais dû refuser les conditions quelconques quand elles me furent proposées. Tu les as acceptés, Adam. Jouiras-tu du bien et pointiras-tu sur les conditions? Dieu t'a fait sans ta permission. Quoi si ton fils devient désobéissant et si, réprimandé par toi, il te répond « Pourquoi m'as-tu engendré? Je ne te le demandais pas. » Admettrais-tu en mépris de toi cette orgueilleuse excuse? Cependant, ton élection ne l'aurait pas engendré, mais la nécessité de la nature. Dieu t'a fait de son propre choix. Et de son propre choix pour le servir. Ta récompense était de sa grâce, ton châtiment est donc justement de sa volonté. Qu'il en soit ainsi, car je me soumets. Son arrêt est équitable. Poussière que je suis, et je retournerai en poussière. Ô heure bienvenue, en quelque temps qu'elle vienne, pourquoi la main du Tout-Puissant tarde-t-elle à exécuter ce que son décret fixa pour ce jour? Pourquoi faut-il que je survive? Pourquoi la mort se rit-elle de moi? Et pourquoi suis-je prolongé pour un tourment immortel? Avec quel plaisir je subirai la mortalité, ma sentence, et serais une terre insensible. Avec quelle joie je me coucherai comme dans le sein de ma mère. Là, je reposerai et dormirai en sûreté. La terrible voix de Dieu ne tonnerait plus à mon oreille. La crainte d'un mal pire pour moi et pour ma postérité ne me tourmenterait plus par une cruelle attente. Cependant, un doute me poursuit encore, s'il m'était impossible de mourir, si le pur souffle de la vie, l'esprit de l'homme que Dieu lui inspira, ne pouvait périr avec cette corporelle argile. Alors, dans le tombeau ou dans quelque autre funeste lieu, qui sait si je ne mourrais pas d'une mort vivante? Oh, pensée horrible, si elle est vraie! Mais pourquoi le serait-elle? Ce n'est que le souffle de la vie qui a péché. Qui peut mourir si ce n'est pas ce qui est vie et péché? Le corps n'a proprement eu part ni à la vie ni au péché. Tout mourra donc de moi. Que ceci apaise mes doutes, puisque la portée humaine ne peut savoir rien au-delà. Et parce que le Seigneur de tout est infini, sa colère le serait-elle aussi? Soit, l'homme ne l'est pas, mais il est destiné à la mort. Comment le Très-Haut exercerait-il une colère sans fin sur l'homme que la mort doit finir? Peut-il faire la mort immortelle? Ce serait tomber dans une contradiction étrange, tenue pour impossible à Dieu, comme arguant de faiblesse, non de puissance. Par amour de sa colère, étendrait-il du fini jusqu'à l'infini dans l'homme puni? Pour satisfaire sa rigueur, jamais satisfaite? Ce serait prolonger son arrêt au-delà de la poussière et la loi de nature, par laquelle toutes les causes agissent selon la capacité des êtres sur lesquels agit leur matière, non selon l'étendue de leur propre sphère. Mais pensez que la mort n'est pas, comme je l'ai supposé, un coup qui nous prive du sentiment, mais qu'elle est, à compter de ce jour, une misère interminable que je commence à sentir à la fois en moi et hors de moi, et ainsi à perpétuité. Hélas ! Cette crainte devient foudroyante, comme une révolution terrible sur ma tête sans défense. La mort et moi, nous sommes éternels et incorporés ensemble. Je n'ai pas ma part seule. En moi, toute la postérité est maudite. Beau patrimoine que je vous lègue, mes fils. Oh, que ne le puis-je consumer tout entier et ne vous en laisser rien. Ainsi déshérité, combien vous me bénirez, moi, aujourd'hui, votre maudit. Ah, pour la faute d'un seul homme, la race humaine innocente serait-elle condamnée? Si toutefois, elle est innocente. Car que peut-il sortir de moi qui ne soit corrompu, d'un esprit et d'une volonté dépravée? qui ne soit non seulement prête à faire, mais à vouloir faire la même chose que moi. Comment pourrait-il donc demeurer acquitté en présence de Dieu? Lui, après tous ces débats, je suis forcé de l'absoudre. Toutes mes vaines évasions, tous mes raisonnements à travers le labyrinthe me ramènent à ma propre conviction. En premier et en dernier lieu, sur moi seul, comme la source et l'origine de toute corruption, tout le blâme dûment retombe. Puisse aussi sur moi retomber toute la colère. Désir insensé, pourrais-tu soutenir ce fardeau plus pesant que la terre a porté, beaucoup plus pesant que l'univers, bien que partagé entre moi et cette mauvaise femme? Ainsi, ce que tu désires et ce que tu crains détruit pareillement toute espérance de refuge et te déclare misérable au-delà de tout exemple passé et futur, semblable seulement à Satan, en crime et en destinée. Ô conscience, dans quel gouffre de crainte et d'horreur m'as-tu poussé? Pour en sortir, je ne trouve aucun chemin. Plongé d'un abîme dans un plus profond abîme. Ainsi, à haute voix se lamentait Adam dans la nuit calme. Nuit qui n'était plus, comme avant que l'homme tombât, saine, fraîche et douce, mais accompagnée d'un air sombre, avec d'humides et redoutables ténèbres, qui, à la mauvaise conscience de notre premier père, présentait toutes les choses avec une double terreur. Il était étendu sur la terre, sur la froide terre. Il maudissait souvent sa création. Aussi souvent il accusait la mort d'une tardive exécution, puisqu'elle avait été dénoncée le jour même de l'offense. Pourquoi la mort, disait-il, ne vient-elle pas m'achever d'un coup trois fois heureux? La vérité manquera-t-elle de tenir sa parole? La justice divine ne se hâtera-t-elle pas d'être juste? Mais la mort ne vient point à l'appel. La justice divine ne presse point son pas le plus lent pour des prières ou des cris. Bois, fontaine, colline, vallée, bocage, par notre écho naguère, j'instruisais vos ombrages à me répondre, à retentir au loin d'un autre chant. Lorsque la triste Ève, de l'endroit où elle était assise désolée, vit l'affliction d'Adam, s'approchant de près, elle essaya de douces paroles contre sa violente douleur. Mais il la repoussa d'un regard sévère. Loin de ma vue, toi, serpent, ce nom te convient le mieux, à toi ligué avec lui, toi-même aussi fausse et aussi haïssable. Il ne te manque rien que d'avoir une figure semblable à la sienne et la couleur du serpent pour annoncer ta fourberie intérieure, afin de mettre à l'avenir toutes les créatures en garde contre toi, de crainte que cette trop céleste forme, couvrant une fausseté infernale, ne les prenne au piège. Sans toi, j'aurais continué d'être heureux. N'eusse ton orgueil et ta vanité vagabonde, quand tu étais le moins en sûreté, rejeté mon avertissement, et ne se fussent irrité qu'on ne se confia pas en eux. Tu brûlais d'être vu du démon lui-même, que présomptueuse tu croyais duper. Mais t'étant rencontré avec le serpent, tu as été joué et trompé. Toi, par lui, moi par toi, pour m'être confié à toi, sorti de mon côté. Je te crus sage, constante, d'un esprit mûr, à l'épreuve de tous les assauts. Et je ne compris pas que tout était chez toi apparence plutôt que solide vertu, que tu n'étais qu'une côte recourbée de sa nature, plus inclinée, comme à présent je le vois, vers la partie gauche d'où elle fut tirée de moi. Bien si elle eût été jetée dehors, comme trouvée surnuméraire dans mon juste nombre. Oh, pourquoi Dieu, créateur sage, qui peupla les plus hauts cieux d'esprit mâle, créa-t-il à la fin cette nouveauté sur la terre, ce beau défaut de la nature? Pourquoi n'a-t-il pas tout d'un coup rempli le monde d'hommes, comme il a rempli le ciel d'anges, sans femmes? Pourquoi n'a-t-il pas trouvé une autre voie de perpétuer l'espèce humaine? Ce malheur, ni tous ceux qui suivront, ne seraient pas arrivés. Troubles innombrables causés sur la terre par les artifices des femmes et par les trois commerces avec ce sexe. Car où l'homme ne trouvera jamais la compagne qui lui convient, mais il l'aura-t-elle que la lui amènera quelque infortune ou quelque méprise? Ou celle qu'il désirera le plus, il l'obtiendra rarement de sa perversité. Mais il l'avera obtenue par un autre, moins méritant que lui. Ou si elle l'aime, elle sera retenue par ses parents. Ou le choix le plus heureux se présentera trop tard à lui, déjà engagé, et enchaîné par le lien du mariage à une cruelle ennemie, sa haine. Ou sa honte. De là, une calamité infinie se répandra sur la vie humaine et troublera la paix du foyer. Adam n'ajouta plus rien et se détourna d'Ève. Mais Ève, non rebutée, avec des larmes qui ne cessaient de couler et les cheveux tout en désordre, tomba humble à ses pieds. Et les embrassant, elle implora sa paix et fit entendre sa plainte. Ne m'abandonne pas ainsi, Adam. Le ciel est témoin de l'amour sincère et du respect que je te porte dans mon cœur. Je t'ai offensé sans intention, malheureusement trompé. Ta suppliante, je mendie la miséricorde et j'embrasse tes genoux. Ne me prive pas de ce dont je vis, de tes doux regards, de ton conseil, qui dans cette extrême détresse sont ma seule force et mon seul appui. Délaissé de toi, où me retirer, où subsister, tandis que nous vivons encore, à peine une heure rapide peut-être, que la paix soit entre nous. Unis dans l'offense, unissons-nous dans l'inimitié contre l'ennemi qui nous a été expressément désigné par Ré, ce cruel serpent. Sur moi n'exerce pas la haine pour ce malheur arrivé, sur moi, déjà perdu, moi plus misérable que toi. Nous avons péché tous les deux, mais toi contre Dieu seulement. Moi contre Dieu et toi. Je retournerai au lieu même du jugement. Là, par mes cris, j'importunerai le ciel, afin que la sentence écartée de ta tête tombe sur moi, l'unique cause pour toi de toute cette misère. Moi seul, juste objet de la colère de Dieu. Elle finit en pleurant. Et son humble posture, dans laquelle elle demeura immobile jusqu'à ce qu'elle eût obtenu la paix pour sa faute reconnue et déplorée, excita la commisération dans Adam. Bientôt son cœur s'attendrit pour elle, naguère sa vie et son seul délice, maintenant soumise à ses pieds dans la détresse. Créature si belle, cherchant la réconciliation, le conseil et le secours de celui à qui elle avait déplu. Tel qu'un homme désarmé, Adam perd toute sa colère. Il relève son épouse, et bientôt, avec ses paroles pacifiques, « Imprudente, trop désireuse, à présent comme auparavant, de ce que tu ne connais pas, tu souhaites que le châtiment entier tombe sur toi. Hélas, souffre d'abord ta propre peine. Incapable tu serais de supporter la colère entière de Dieu, dont tu ne sens encore que la moindre partie. Toi qui supportes si mal mon déplaisir. Si les prières pouvaient changer les décrets du Très-Haut, je me hâterais de me rendre avant toi à cette place de notre jugement. Je me ferais entendre avec plus de force, afin que ma tête fût seule visitée de Dieu, qu'il pardonnât ta fragilité, ton sexe plus infirme, à moi confié, par moi exposé. Mais lève-toi, ne disputons plus, ne nous blâmons plus mutuellement, nous assez blâmés ailleurs. Efforçons-nous, par les soins de l'amour, d'alléger l'un pour l'autre, en le partageant, le poids du malheur, puisque ce jour de la mort dénoncé, comme je l'entrevois, n'arrivera pas soudain, mais il viendra comme un mal au pas tardif, comme un jour qui meurt longuement, afin d'augmenter notre misère, misère transmise à notre race. Ô race infortunée ! Ève, reprenant cœur, répliqua : Adam, je sais par une triste expérience le peu de poids que peuvent avoir auprès de toi mes paroles, trouvées si pleines d'erreurs, et de là, par un juste événement, trouvées si fatales. Néanmoins, tout indigne que je suis, puisque tu m'accueilles de nouveau et me rends ma place, pleine d'espoir de regagner ton amour, seul contentement de mon cœur, soit que je meure ou que je vive, je ne te cacherai pas les pensées qui se sont élevées dans mon sein inquiet. Elles tendent à soulager nos maux ou à les finir. Quoiqu'elles soient poignantes et tristes, toutefois elles sont tolérables, comparées à nos souffrances, et d'un choix plus aisé. Si l'inquiétude touchant notre postérité est ce qui nous tourmente le plus, si cette postérité doit être née pour un malheur certain et finalement dévorée par la mort, il serait misérable d'être la cause de la misère des autres, de nos propres fils, misérable de faire descendre de nos reins dans ce monde maudit une race infortunée, laquelle, après une déplorable vie, doit être la pâture d'un monstre si impur. Il est dans ton pouvoir, du moins avant la conception, de supprimer la race non bénie, n'étant pas encore engendrée. Sans enfant tu es, sans enfant tu demeures. Ainsi, la mort sera déçue dans son insatiabilité, et ses voraces entrailles seront obligées de se contenter de nous deux. Mais si tu penses qu'il est dur et difficile, en conversant, en regardant, en aimant, de s'abstenir des devoirs de l'amour et du doux embrassement nuptial, de languir de désirs sans espérance, en présence de l'objet languissant du même désir, ce qui ne serait pas une misère et un tourment moindre d'aucun de ceux que nous appréhendons, alors, afin de nous délivrer, à la fois nous et notre race, de ce que nous craignons pour tous les deux, coupons court, cherchons la mort, ou, si nous ne la trouvons pas, que nos mains fassent sur nous-mêmes son office. Pourquoi restons-nous plus longtemps frissonnant de ces craintes, qui ne présentent d'autre terme que la mort, quand il est en notre pouvoir, des divers chemins pour mourir, choisissant le plus court, de détruire la destruction par la destruction. » Elle finit là son discours, où un véhément désespoir en brisa le reste. Ses pensées l'avaient tellement nourri de mort qu'elles teignirent ses joues de pâleur. Mais Adam, qui ne se laissait dominer en rien par un tel conseil, s'était élevé en travaillant son esprit plus attentif à de meilleures espérances. Il répondit, « Ève, ton mépris de la vie et du plaisir semble prouver en toi quelque chose de plus sublime et de plus excellent que ce que ton âme dédaigne. Mais la destruction de soi-même, par cela qu'elle est recherchée, détruit l'idée de cette excellence supposée en toi, et implique non ton mépris, mais ton angoisse et ton regret de la perte de la vie, ou du plaisir, trop aimé. Ou, si tu convoites la mort comme la dernière fin de la misère, t'imaginant éviter par là la punition prononcée, ne doute pas que Dieu n'ait trop sagement armé son ire vengeresse pour qu'il puisse être ainsi surpris. Je craindrais beaucoup plus qu'une mort ainsi ravie ne nous exempte pas de la peine que notre arrêt nous condamne à payer, et que de tels actes de contumace ne provoquassent plutôt le Très-Haut à faire vivre la mort en nous. Cherchons donc une résolution plus salutaire que je crois apercevoir lorsque je rappelle avec attention à mon esprit cette partie de notre sentence. Ta race écrasera la tête du serpent. Réparation pitoyable, si cela ne devait s'entendre, comme je le conjecture, de notre grand ennemi Satan, qui dans le serpent a pratiqué contre nous cette fraude. Écraser sa tête serait vengeance en vérité, laquelle vengeance sera perdue par la mort et amenée sur nous-mêmes, ou par des jours écoulés sans enfant, comme tu le proposes. Ainsi, notre ennemi échapperait à sa punition ordonnée, et nous, au contraire, nous doublerons la nôtre sur nos têtes. Qu'il ne soit donc plus question de violence contre nous-mêmes, ni de stérilité volontaire qui nous séparerait de toute espérance, qui ne ferait sentir en nous que rancune et orgueil, qu'impatience et dépit, révolte contre Dieu et contre son juste joug, sur notre cou imposé. Rappelle-toi avec quelle douce et gracieuse bonté il nous écouta tous les deux et nous jugea sans colère et sans reproche. Nous attendions une dissolution immédiate que nous croyons ce jour-là exprimée par le mot mort. Eh bien, à toi furent seulement prédites les douleurs de la grossesse et de l'enfantement, bientôt récompensées par la joie du fruit de tes entrailles. Sur moi, la malédiction, ne faisant que m'effleurer, a frappé la terre. Je dois gagner mon pain par le travail. Quel mal à cela? L'oisivité eût été pire. Mon travail me nourrira. Dans la crainte que le froid ou la chaleur ne nous blessât, sa sollicitude, sans être implorée, nous a pourvus à temps. Ses mains nous ont vêtus, nous, indignes, et en pitié de nous quand il nous jugeait. Oh, combien davantage, si nous le prions, son oreille souffrira et son cœur inclinera à la pitié. Il nous enseignera de plus les moyens d'éviter l'inclémence des saisons, la pluie, la glace, la grêle, la neige, que le ciel à présent, avec une face variée, commence à nous montrer sur cette montagne, tandis que les vents soufflent perçants et humides, endommageant la gracieuse chevelure de ces beaux arbres qui étendent leurs rameaux. Ceci nous ordonne de chercher quelque meilleur abri, quelque chaleur meilleure pour animer nos membres engourdis, avant que cet astre du jour laisse le froid à la nuit. Cherchons comment nous pouvons, avec ces rayons recueillis et réfléchis, animer une matière sèche, ou comment, par la collision de deux corps rapidement tournés, le frottement peut enflammer l'air. Ainsi, tout à l'heure, les nuages se heurtant ou poussés par les vents, rudes dans le choc, ont fait partir l'éclair oblique dont la flamme, descendue en serpentant, a embrasé l'écorce résineuse du pin et du sapin et répandu au loin une agréable chaleur qui peut suppléer le soleil. Usé de ce feu et de ce qui d'ailleurs peut soulager ou guérir les maux que nos fautes ont produits, c'est ce dont nous instruira notre juge, en le priant et en implorant sa merci. Nous n'avons donc pas à craindre de passer incommodément cette vie, soutenue de lui par divers conforts, jusqu'à ce que nous finissions dans la poussière, notre dernier repos et notre demeure natale. Que pouvons-nous faire de mieux que de retourner au lieu où il nous a jugés, de tomber prosternés, révérencieusement devant lui, là de confesser humblement nos fautes, d'implorer notre pardon, baignant la terre de larmes, remplissant l'air de nos soupirs poussés par des cœurs contrits, en signe d'une douleur sincère et d'une humiliation profonde. Sans doute il s'apaisera et reviendra de son déplaisir. Dans ses regards sereins, lorsqu'il semblait être le plus irrité et le plus sévère, y brillait-il autre chose que faveur, grâce et merci? Ainsi parla notre Père, pénitent. Ève ne sentit pas moins de remords. Ils allèrent aussitôt à la place où Dieu les avait jugés. Ils tombèrent prosternés, révérencieusement devant lui. Et tous deux confessèrent humblement leur faute et implorèrent leur pardon, baignant la terre de larmes, remplissant l'air de leurs soupirs poussés par des cœurs contrits, en signe d'une douleur sincère et d'une humiliation profonde. Fin de livre 10. Enregistré par Thomas Copeland.